des formules jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, des emballages rechargeables anti-gaspillage qui vous permettent d'acheter exactement ce dont vous avez besoin en vie, et le tout à un prix abordable et une qualité professionnelle. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée pour la 70e interview. Pour découvrir aujourd'hui la marque de maquillage naturel anti-gaspi, Irisée Paris, avec sa cofondatrice, ma belle invitée Maud. Bonjour Maud. Bonjour Alice. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Moi, c'est Alice, chers auditeurs. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc, j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Dans l'épisode 63, par exemple, j'interviewais Héloïse, créatrice de contenu, qui tient le blog et la chaîne YouTube Easy Blush. Et c'est elle qui t'avait recommandé Maud. Oui, absolument. Je la remercie d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Et Louise, c'est une des influenceuses qui nous suit vraiment depuis le tout début de la marque. Et elle a eu la gentillesse et la bonne idée de me contacter pour développer un produit ensemble, l'antisterme. J'imagine qu'on en parlera plus tard. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très original comme co-création comme ça. Donc oui, on veut en savoir plus. Et toi justement, Maud, tu as créé en 2018 ta marque avec ton père. Une marque de maquillage naturel avec un pourcentage d'ingrédients naturels très élevé et une vraie approche écologique puisque vous privilégiez le sourcing local par exemple et que vous avez créé la Moodbox, une palette anti-gaspi. Tu vas nous expliquer tout ça. Et votre mission, je vous cite, c'est de rendre le maquillage expert facile, abordable et joyeux. Et après mon interview, comme d'habitude, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner deux informations à propos de Maud. Les voici. Son hobby artistique d'abord et le dernier produit de maquillage qu'elle a terminé. Comment a été créée Irisée Paris? Alors, Irisée Paris, ça a été. En fait, tout a commencé il y a 6 ans maintenant. Il y a eu à peu près entre un an et demi de développement. Et ensuite, j'ai pu lancer la marque. Comment ça s'est passé? En fait, moi, j'ai toujours été dans le maquillage, non, dans les cosmétiques. J'ai commencé chez Caudalie, donc ce qui est une marque plutôt de soins en Asie. Ensuite, j'étais dans le groupe Shiseido, qui est un très gros groupe et un beau groupe de marques de cosmétiques dans le monde. Et j'étais basée à Paris, mais j'étais à l'export. Dans le groupe Shiseido, il y a deux marques de maquillage, notamment avec lesquelles je travaillais. C'est Bare Minerals, que certains connaissent peut-être déjà, et aussi Nars, qui est une très belle marque que j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un père qui est entrepreneur et qui m'a certainement donné un peu le goût d'entreprendre et devait penser aussi que c'était une jolie façon de s'épanouir professionnellement. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a dit « Est-ce que ça ne te dirait pas de créer ta marque ?» Et je me suis dit que c'était génialissime comme proposition, que j'avais une chance incroyable et qu'il ne fallait pas laisser passer. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et ensuite, je me suis posée et je me suis dit, attends, vraiment, toi, quand tu te maquilles, parce que dans les cosmétiques, ce que je préfère, moi, depuis toujours, c'est le maquillage. Je me suis dit, vraiment, quand je me maquille, qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Et en fait, moi, ce qui est important à mes yeux, c'est d'avoir les couleurs dont j'ai envie, qui me font plaisir au moment où je le souhaite, avec des produits qui soient les plus naturels possibles, notamment parce que moi, je faisais des allergies aux yeux avec les produits que j'utilisais avant, une fabrication française et une qualité professionnelle. Et ce qui m'intéressait, c'était de dire aux gens, se maquiller, c'est facile au quotidien, j'entends. Hein. Après, pour les shootings photos, des défilés, ce que font les maquilleuses, ça c'est maquilleur, c'est un vrai métier. Mais se maquiller au quotidien, pour moi, il suffit de quelques bons produits que vous allez pouvoir avoir dans la moodbox et quelques petites astuces de pro et c'est tout. Et souvent, les marques en fait complexifient un peu les choses pour rendre tout ça un peu plus peut-être inaccessible et du coup désirable ou je sais pas. Et moi, j'ai voulu faire exactement l'inverse, de dire se maquiller, c'est tellement facile et marrant et sympa. tellement génial de pouvoir changer de tête toutes les 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Et donc voilà comment tout est parti. Et tout est parti vraiment de ce produit-là, la Mood Box, qui est une palette de maquillage que vous pouvez composer vous-même. Par exemple, vous avez 4 fards à paupières à l'intérieur. Derrière, vous avez hop, des petits trous qui vont faire que vous allez pouvoir intervertir les couleurs facilement. Et par exemple, comme par miracle, hop, je vais ajouter un fard à joues comme ça. Et j'aurais pu mettre un fond de teint poudre, j'aurais pu mettre des correcteurs, etc., etc., etc. Au niveau du coup de ton parcours, tu le disais, tu étais déjà dans les cosmétiques, Ouais. mais côté maquillage notamment, c'est ça qui te passionnait le plus. D'un point de vue personnel, dans ma vie de tous les jours. Après, moi, j'avais des fonctions commerciales et j'étais à l'export. Et moi, j'adore voyager, j'adore l'export et les relations internationales. Donc, en fait, je m'éclatais beaucoup là-dessus. Après, le produit était intéressant, mais moi, sur le maquillage, surtout ce qui m'amuse dans le maquillage, moi, c'est d'être devant ma glace et d'essayer des choses et de transmettre ça. Est-ce que tu aurais une anecdote peut-être par rapport à ce parcours, du coup, dans l'industrie des cosmétiques, à l'international comme ça? J'en ai une qui me vient tout de suite, c'est quand j'ai démarré, moi, mon premier poste, c'était chez Caudalie, donc vous devez connaître, hein, qui est une super jolie marque. Et je faisais du développement commercial en Asie du Sud-Est, j'étais basée à Singapour. Et notamment, mon plus gros marché à l'époque, c'était la Malaisie. Et donc, je passais beaucoup de temps en Malaisie, dans les centres commerciaux. C'était souvent des centres commerciaux un peu paumés. Et j'arrivais avec ma tête de française et ma petite valise. Et puis, je faisais des formations où je montrais aux gens comment vendre les produits Caudalie. Et puis, donc j'avais évidemment mon accent français coupé au couteau. Et puis, je faisais tomber parfois, je faisais exprès de faire tomber un tube de crème et je faisais, oh, oulala. Et là, les gens, ils disaient, oh, oulala. Et ils trouvaient ça incroyable et tellement exotique. Et là, j'ai mesuré en fait la force du Made in France et quand on parle de beauté, de luxe de manière générale à l'étranger, on a une renommée incroyable. Ah, c'est rigolo, c'est une expression qui est vraiment connue, en fait, le oulala. Ben, je crois, ouais, absolument. Ah ouais, il disait, ouh, oulala. Ah, c'est drôle. J'avais la voix, Ouais. ouais, c'était. Si. Ça marchait à tous les coups. Et du coup, quelles sont aujourd'hui les valeurs essentielles chez Iris et Paris? Ben, les valeurs essentielles chez Irisé, c'est, quand on parle du produit, c'est d'avoir une fabrication française. Ça, c'est super important pour moi. C'était un point qui était non négociable avec mon père et j'étais absolument en ligne avec lui. Moi, je suis persuadée que de plus en plus, il va falloir qu'on consomme localement, qu'on produise localement. Et il se trouve qu'en France, on a parmi les meilleurs fabricants au monde. Donc, ça aurait été vraiment, à mon sens, une bêtise de s'en priver. Des formules jusqu'à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Des emballages rechargeables, anti-gaspillage, qui vous permettent d'acheter exactement ce dont vous avez besoin en vie. Et le tout à un prix abordable. Et une qualité professionnelle, c'est-à-dire notamment dans la pigmentation. La pigmentation, c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est comme ça que vous avez un produit qui tient, qui se voit toute la journée. Et c'est aussi comme ça que vous êtes adapté à toutes les carnations. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Ça, c'est vraiment l'aspect produit. Ensuite, de manière générale, moi, ce que j'ai envie de faire avec Irisé, c'est de rendre le maquillage expert, donc c'est-à-dire sérieux, abordable pour tout le monde, facile et joyeux. C'est ça vraiment qui m'importe. Et c'est pour ça qu'on a fait des Irisé parties. Et qui ont lieu notamment dans notre boutique qu'on a ouverte il y a un an et demi maintenant à Paris, dans le 5e. Comment ça se passe, une irisée partie? Alors, une irisée partie, c'est 1 heure avec une maquilleuse professionnelle qui va vous donner en fait tout un tas d'astuces de pro. Certaines vont vous servir, d'autres vous allez dire ah ben non, ça c'est pas pour moi, mais peu importe, en fait, vous allez faire votre marché pour qu'ensuite vous puissiez rentrer chez vous et savoir vous maquiller au quotidien. L'idée aussi, c'est d'essayer plein de nouvelles choses, c'est-à-dire des couleurs ou peut-être des teintes où vous seriez dit, ben non, ça c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Et en fait, vous essayez, vous dites, ah mais si, en fait, c'est très joli, etc. Et vous avez le temps de faire ça, c'est-à-dire d'essayer, de réessayer, essayer un geste, essayer un deuxième geste. Concrètement, en fait, la maquilleuse va dérouler pas mal d'étapes, c'est-à-dire on va commencer par le démaquillage, ensuite le teint, les joues, les yeux, la bouche. Et à chaque fois, elle va vous maquiller la moitié du visage en vous expliquant ce qu'elle fait et ce sera à vous de maquiller l'autre partie du visage. Elle va aussi commencer le cours en vous demandant vos attentes, évidemment. Si vous dites, moi, surtout ce qui m'intéresse, c'est les yeux, elle va faire le teint, mais elle va passer encore plus de temps que prévu sur les yeux. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans une irisée partie, c'est qu'on peut le faire tout seul. Ça va être la irisée partie solo. Mais on peut le faire aussi à plusieurs, en duo, en trio et même en groupe. La façon de faire est la même, sauf que pour chaque étape, en fait, on va prendre un cobaye. La maquilleuse va lui maquiller la moitié du visage et les autres personnes vont se maquiller toutes seules avec l'aide de la maquilleuse. Et donc, à chaque fois, c'est des super chouettes moments où on rigole pas mal, où on apprend plein de choses. Et le but du jeu, c'est de rentrer à la maison et que se maquiller devienne un plaisir. Ah, super. Et donc, vous êtes situé dans Paris. Ouais, on est à Paris dans le 5e arrondissement. On est à 2 pas de Notre-Dame de Paris, sur les quais, dans une petite rue. C'est une des plus vieilles rues de Paris, qui est super jolie, qui est adorable et qui s'appelle la rue Galande. D'accord. Et combien à peu près d'irisées parties sont organisées par an? Alors, la première année, donc c'était l'année dernière, en 2022, on en a fait 300. Et là, l'objectif, a priori, on va y arriver, c'est d'en faire 600. D'accord. Et le principe, c'est qu'on peut à la fois venir en boutique pour découvrir les produits et à la fois réserver des irisées parties. Absolument. Dans la boutique, vous êtes les bienvenus tout le temps pour venir quand vous le souhaitez, pour découvrir les produits comme une boutique classique. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour une irisée partie. Pour prendre rendez-vous, c'est comme chez le coiffeur, c'est-à-dire vous appelez, vous dites voilà, je veux venir tel jour à telle heure. On vous dit oui, non. Vous pouvez réserver sur le site internet. Vous avez un lien qui vous dirige vers le site Planity, qui est notre interface qui gère les rendez-vous. Vous pouvez aussi nous appeler tout simplement par téléphone. Et une autre façon aussi de venir chez nous, c'est d'offrir en fait une carte cadeau. On a beaucoup de cours de maquillage qui sont offerts. Et en fait, sur la carte cadeau, vous pouvez très bien, par exemple, offrir une carte cadeau duo à une copine en lui soufflant l'idée de peut-être de venir avec vous. Ça, c'est sympa, et vous venez toutes les deux. Ah oui, bonne idée, oui, avec les duos. Pour faire un petit focus sur la mood box, on peut donc mixer, tu le disais, à la fois blush, fard à paupières, comment ça fonctionne? Oui. En fait, ça marche comme ça. Vous avez 3 tailles de coupelles. Ce que j'appelle une coupelle, en fait, c'est les recharges. Les petits, ça va être soit des fards à paupières, soit des anti-cernes correcteurs. Ensuite, les moyens, comme ça va être des fards à joues. Et les grands, comme ça va être des fonds de teint poudre. Donc, dans la palette, ou pardon, parce que c'est aimanté, alors du coup, ça met le bazar. Dans la palette, par exemple, ici, vous avez 4 fards à paupières et un fard à joues. Vous auriez très bien pu avoir 4 fards à paupières et 2 anti-cernes. Vous pouvez avoir 2 anti-cernes et un fond de teint poudre. Ça, on en vend beaucoup depuis qu'on a sorti les anti-cernes. Vous pouvez avoir 2 fards à paupières, 2 fards à joues. Faites ce que vous voulez. Et évidemment, chaque élément peut s'acheter séparément. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ben, moi, je veux juste une recharge. Généralement, les plus achetés, c'est surtout les anti-cernes, tu disais, ou au départ, c'était plutôt les fards à paupières? Oh, c'est assez bien réparti. Dans les best-sellers, on va avoir un highlighter. Neige rosée, c'est vraiment un best-seller. Vous avez aussi ce fard à paupières qui s'appelle Marron Glacial, qui est un best-seller, qui est vraiment super chouette et très facile à utiliser. Les anti-cernes, depuis qu'on les a sortis, sont aussi, ouais, font partie de nos best-sellers. Les fonds de teint poudre, également, surtout depuis qu'on a sorti les anti-cernes, parce que ce qui est un peu vrai, c'est que les gens, avant la sortie de l'anti-cerne, nous voyaient beaucoup sur la couleur. Et maintenant, on a vraiment une offre qui est super sur le teint. Et en termes de choix, on a à peu près combien de choix de couleurs? Alors, sur les fards à paupières, vous avez 8 fards à paupières. Les fards à joues, vous en avez 4. Les fonds de teint poudre, vous en avez 7. Et les anti-cernes. Alors, les anti-cernes, c'est assez particulier parce que ça, c'est une idée d'Héloïse et c'est une super bonne idée. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, en fait, un des problèmes que vous avez quand vous cherchez un anti-cerne, c'est de trouver la bonne teinte. Et ça, c'est pas tellement étonnant parce que si vous voulez, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait autant de teintes que de couleurs de peau. Ce qui n'est pas possible parce qu'il y a des millions et des millions de couleurs de peau, il y en a quasiment une par personne. Donc, ce que va faire un maquilleur, c'est qu'il va toujours mélanger 2 couleurs pour trouver exactement la couleur de la personne. On s'est dit, au lieu de sortir, je dis n'importe quoi, 10 teintes qui vont peut-être correspondre à, et là encore, j'ai n'importe quoi, mais à 40% des gens, on va dire, on va permettre aux gens de faire ce que font les maquilleurs professionnels, en fait, on n'a rien inventé, à savoir mélanger 2 teintes pour avoir exactement la bonne. Donc, en fait, on a sorti 6 teintes. En fait, parmi ces 6 teintes, si par exemple, toi, Alice, je me dis, je vais trouver tes anti-cernes, je vais te conseiller 2 teintes avec lesquelles tu vas pouvoir faire exactement ta teinte à toi. Ça va te permettre de faire une teinte légèrement plus claire pour le contour des yeux, ce qui est tout à fait recommandé pour avoir un regard vraiment lumineux. Et pour autant, Tu vas pouvoir, sur tes éventuelles imperfections sur le reste du visage, utiliser exactement ces deux teintes pour avoir exactement la couleur de ta carnation. Ça va te permettre aussi, si tu bronzes, de pouvoir avoir toujours cette même couleur, changer un peu ton dosage et pouvoir utiliser la même couleur. Comme ça, on peut moduler au niveau des différentes zones du visage, c'est intéressant. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux que je te détermine ton duo à toi? Ah bah avec plaisir. Oui, on fait ça comme ça. Bah regarde, je te montre. En fait, nous, on a développé six teintes. Là, tu as trois teintes froides et là, tu as trois teintes chaudes. Deux claires, deux moyennes, deux foncées. L'idée, c'est que le duo doit comporter deux teintes d'intensité différente. Donc, par exemple, clair moyen, clair foncé. Voilà. Si on détermine que tu as un sous-ton de peau plutôt froid, on va te conseiller deux teintes froides, plutôt chaud, deux teintes chaudes, ou plutôt neutre, une froide, une chaude. Et tu vas me dire, oui, mais comment je sais quel est mon sous-ton de peau? Eh bien, pour ça, je vais te demander comment ta peau réagit face au soleil. Est-ce que tu bronzes tout de suite très vite, avec un bronzage bien doré? Est-ce que tu bronzes quasiment jamais? C'est très compliqué pour toi de bronzer. Ou est-ce que tu bronzes, mais si tu ne te protèges pas, ben, tu vas avoir un coup de soleil? Oui, plutôt la troisième option pour moi. D'accord, donc ça veut dire neutre. Et est-ce que tu as tendance à bronzer beaucoup l'été? Non, pas Non, beaucoup. pas beaucoup. Bah dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va te recommander une teinte claire et une teinte moyenne et une teinte froide et une teinte chaude. Donc par exemple, ça pourrait être roux-doudou et caramel. D'accord, quand on est neutre, on va du coup prendre une chaude Ouais, et une pour absolument, pour enfin, neutraliser. neutraliser. Ah, c'est intéressant, oui, donc c'est complètement personnalisé comme ça. Donc à Ouais. chaque fois qu'une cliente vient, vous elle est conseillée de cette façon. Et c'est une formule à plus de 99% naturelle à l'intérieur de laquelle tu vas avoir, enfin dans laquelle plutôt, pardon, tu vas avoir de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, la cire de graines de tournesol, de l'ester de jojoba, avec une couvrance qui est vraiment chouette, qui est modulable, c'est-à-dire plus tu veux que ce soit couvrant et plus tu mets de produit, un résultat vraiment naturel qui va pas filer dans les ridules et qui va vraiment durer. Donc on est très très très content de ce produit avec exactement ta couleur. Sur tout le visage et toute l'année. Et donc tout ça a été co-développé avec la talentueuse Héloïse Monchablon. Ça veut dire que vraiment, vous étiez ensemble pour vérifier enfin recevoir les propositions du laboratoire, émettre vos retours. Ouais, absolument. En fait, il y a eu une première phase. Déjà, on s'est dit ensemble ce qu'on souhaitait. Il y a une première phase pour trouver un fabricant. Donc là, moi, j'en connais quelques-uns. Donc j'ai fait un peu le tour, regarder lequel pouvait être le plus adéquat. Une fois qu'on l'a trouvé, on est allé avec Héloïse débriefer, leur dire voilà ce qu'on souhaitait. Et ensuite, ils nous ont envoyé évidemment des échantillons. En fait, la première partie, c'est vraiment la formule et ensuite, c'est les teintes. Donc d'abord, ça a été la formule. À chaque fois qu'on recevait des échantillons, moi, je le faisais tester de mon côté et puis Héloïse en avait également. On faisait les retours et il y en a eu pas mal, hein, ça a duré longtemps. Et quand on s'est dit ok, cette fois-ci, c'est la bonne, ensuite, on a décliné par teinte. Et à chaque fois, effectivement, tout a été validé par Héloïse et par moi. Ah oui, dans un premier temps, c'est la texture, sans couleur, si, quand même. Ben, en fait, la couleur, non. En fait, ce que tu valides au tout début, c'est toujours la texture, la formule. Et ensuite, tu déclines les teintes que tu veux. D'accord, qui garde du coup la même texture, quelle que soit la teinte. Absolument. Ouais. D'accord. On nous dit cet aspect sur mesure et évolutif est très intéressant et donne envie de se maquiller plus. Ah, c'est gentil, mais ça me fait très plaisir. Moi, quand on me dit que ça donne envie de se maquiller, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse Ah me oui, faire. C'est... j'avoue. Il y a Juju aussi qui dit très intéressant cette démo, je pense être comme Alice. Donc Juju pourrait s'orienter vers le roux-doudou caramel, c'était ça? Absolument. Ouais, bien Ouais. sûr. Alors, à savoir, d'ailleurs, si vous avez la moindre question sur le site internet, vous avez un article hein, qui explique un peu comment déterminer son duo. Mais si vous avez des doutes et que vous n'avez pas la possibilité de venir nous voir en boutique, vous pouvez réserver un visio gratuitement. C'est 10 minutes avec une maquilleuse. Ce sont les mêmes maquilleuses que celles qui font les irisés parties, comme Margot, par exemple, vous devez voir très souvent sur nos réseaux, et qui est là, pas très loin de moi, là, maintenant. et donc, vous pouvez avoir un visio avec Margot ou une autre maquilleuse gratuitement. Vous avez des boutons pour réserver un peu partout sur le site. C'est une bonne idée parce que c'est un peu la difficulté avec les sites internet pour du maquillage, c'est que on ne peut Bien pas sûr. tester évidemment, donc ça c'est une bonne idée. Ouais, et ça peut être pour une autre question, hein. Ça peut être je sais pas quoi prendre comme fard à paupières, je sais pas appliquer mon fard à paupières, etc. N'hésitez surtout pas, nous on est ravis de ça. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de moodbox sont vendus par an? Est-ce que tu as un chiffre? Vu qu'on se développe et que ça va bien, chaque année ne se ressemble pas, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais je peux te dire par mois, on va être entre 300 et 500. D'accord. À la fois donc en physique dans ta boutique, sur le site internet et via les réseaux, le réseau aussi de maquilleuses professionnelles. Oui, absolument. Et puis on a aussi quelques revendeurs ici et là qui sont à chaque fois des revendeurs qui vendent des produits naturels fabriqués en France, voilà, avec une vraie sélection de marques. Pendant la formulation des produits, tu as eu éventuellement une désillusion sur un sujet à un moment? Non, moi j'ai pas eu de désillusion parce que j'ai toujours eu la chance de tomber sur des fabricants avec des services de recherche et développement bons, quoi, vraiment. D'ailleurs, nous on travaille avec des fabricants qui travaillent avec les plus grandes marques. C'est juste qu'on leur a dit, ben, nous on veut des formules naturelles et on veut une pigmentation qui soit vraiment des plus poussées. Et ça, si vous voulez, il n'y a pas de. Le fait de pousser la pigmentation à fond, il n'y a pas de défi technologique, hein, c'est assez simple. C'est juste que ce qui coûte cher dans un produit cosmétique, c'est la pigmentation. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a certaines marques qui font pas forcément des produits très pigmentés parce que ça coûte cher. Et il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est le confort d'application, qui va faire qu'en fait toi tu vas pouvoir vraiment travailler ta couleur et faire ce que tu souhaites, quoi. Qu'elle soit fondante et très facile à travailler. Moi, je suis pas maquilleuse professionnelle, donc j'avais vraiment envie de produits qui soient très simples et faciles à utiliser au quotidien. Donc, des désillusions là-dessus, non, parce que je suis vraiment tombée sur des gens super talentueux qui ont compris ce que je souhaitais faire. Après, la difficulté que moi j'ai aujourd'hui avec les fabricants, c'est de trouver des fabricants qui soient souples, notamment dans leur quantité minimum de production. En fait, les fabricants en France, ils sont habitués à travailler avec des grandes marques, et donc du coup avec des grosses commandes, ce qu'on appelle minimum des MOQ, pas très joli comme mot, mais c'est minimum order quantity. En France, ils demandent vraiment beaucoup de quantité, ce qui pour moi, qui suis une dite petite marque, est une difficulté parce que ça veut dire prendre moins de risques, ça veut dire et ça veut dire à chaque fois des investissements conséquents à chaque fois que je lance un produit. Et quand je dis un produit, c'est une teinte. Ils imposent par exemple, des centaines d'achats, même pour une teinte, tu es obligé de Ouais, commander tout de alors suite. c'est pas des centaines, malheureusement, c'est des milliers Ah ouais. par teinte. Donc, dans ces cas-là, tu es obligé, j'imagine, de pas sortir. Au départ, tu as pu quand même sortir toutes les teintes ou tu t'es dit, bah, je vais commencer par quelques-unes? Bah, au départ, non, j'ai quand même sorti pas mal de teintes au départ, bah, parce que j'ai réussi à avoir des financements à droite à gauche et je m'en suis sortie comme ça. Mais nous, on n'est pas, par exemple, une marque qui va sortir trois nouvelles teintes de fard à paupières par trimestre. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas forcément à se le à le à le financer. Et puis par ailleurs, c'est pas on a d'autres choses à faire. C'est-à-dire là, on est en train de travailler sur un mascara, mais toujours, c'est vraiment quelque chose qui freine les lancements, qui les rendent un peu plus compliqués. Mais après, on trouve des solutions. C'est un vrai frein qui concerne le fabriqué en France. Ouais, bah moi je passe mon, je le dis je leur dis régulièrement ça. Oui. Et tu disais beaucoup de marques du coup vont vers l'Italie plutôt. L'Italie, ouais, ils sont plus souples. Après, c'est des D'accord. questions aussi de leur capacité industrielle. Donc voilà, je doute pas que eux font aussi ce qu'ils peuvent. Mais ce qui est vrai, c'est ce que j'ai pu observer depuis il y a 5 ans ou même il y a 6 ans, puisque moi j'ai commencé les fabricants à les contacter il y a 6 ans. Ben, c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Avec les différentes crises, ils ont encore plus resserré de ce côté-là. Ouais, exactement. Un mascara est en cours. Oui, alors ça c'est le produit qu'on n'arrête pas de nous réclamer. Et donc on est en train de travailler dessus. L'idée c'est toujours, comme d'habitude, d'allier naturalité et efficacité. Déjà, donc ça c'est pas simple. Et puis là, j'essaie de développer une façon d'utiliser le mascara qui soit avec le moins de packaging possible. Toujours dans le côté éco-responsable. Ouais, toujours l'idée c'est de n'acheter. Oui, enfin, acheter uniquement ce dont on a besoin, envie, avec le moins d'emballage possible. Chacune des petites coupelles là sont vendues dans des étuis ou dans des petites boîtes. Et ces petites boîtes-là, nous, on les réutilise si jamais les clients n'en ont pas l'utilité de leur côté. Les clients peuvent les rapporter. Ouais, soit les rapporter en boutique, soit les renvoyer et nous, on leur fournit le timbre. D'accord, bon à savoir aussi. Eh bien, merci pour toutes tes réponses, Maud. On va passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque, chers auditeurs dans Beauté Imaginée, vous vous laissez porter par la voix. Alors, voici les deux informations à deviner aujourd'hui concernant Maud. Son hobby artistique et le dernier produit de maquillage qu'elle vient de terminer. L'aquarelle et un fard à paupières, tu dis juste s'il y a du bon, sans préciser pour l'instant. S'il y a du bon. Il y a du bon. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? L'aquarelle encore et un fard à paupières. Ah bah, même proposition. Donc, il y a du bon de ce côté-là. Peinture, fond de teint, danse et rouge à lèvres. Non. Et peinture, fond de teint? Peinture, fond de teint, non. Mais je vois pourquoi peinture. Je comprends pourquoi. Et c'est... Oui, c'est vrai. T'as raison, ouais. C'est complètement bah parce que lié. Je parle de couleurs et j'adore ça. Donc, c'est vrai. Mais non, en fait, je suis nulle à ça. Si tu préfères sur un visage, ouais, c'est différent. Mais et comme peinture, oui, c'est pas dessin qu'on a proposé, c'est vraiment peinture. C'est vrai que là, ça pourrait y ressembler pas mal. Et alors, qu'est-ce que tu fais en réalité? En fait, je fais du chant, je chante. Quel type? Eh ben, en fait, ce qui me fait plaisir, je prends des cours de chant et puis à côté, moi, je chante des chansons que j'aime bien. Ça peut être de la variété ou des choses assez différentes. Et puis, je m'accompagne au piano. Ah, génial! Mais j'ai même pas pensé à te demander une vidéo de ça Ah pour ouais, la photo mystère. oui, mais t'as bien fait. Ah non! Parce que je sais pas si j'aurais aimé. Non, non, non, mais c'est très, très, très, très, très amateur, hein. Oui, mais c'est toujours sympa pour rentrer dans l'univers. Non, mais après, on est plus ou moins pudique. Mais c'est sympa, je trouve, de s'accompagner en plus au piano, ce côté complet, quoi. Ah bah c'est très chouette et puis surtout c'est super convivial. Moi ce que j'aime bien c'est faire ça avec des copains, ça c'est sympa. Et alors, pour ce qui est du dernier produit de maquillage que tu as terminé. C'est mon fard à paupières, faux air de verre, que j'adore. Il s'appelle faux air de verre. Ouais, il s'appelle faux air de verre parce qu'en fait il paraît vert comme ça, il est vert, mais il n'est pas que vert, il a des sous-tons marron. Donc en fait, en fonction de la lumière, tu vas le voir différemment. Ouais, marron, taupe. Voir si vraiment tu le travailles beaucoup, tu peux avoir un peu de gris. Oui, et ça, t'adores en fait mélanger différentes couleurs à chaque fois. Ah oui, j'adore ça, moi. Oui, en fait, nous, ce qu'on dit chez Irisé, c'est qu'il n'y a pas de règles en maquillage. L'idée, c'est vraiment s'amuser. Maintenant, on va donner quand même des astuces qu'utilisent des professionnels pour être sûr, si tu veux, de faire quelque chose d'assez joli. Quand on n'est pas très sûr de soi, c'est plutôt ça. Mais après, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Plein, plein de choses. Ouais, c'est vrai que c'est hyper créatif, c'est ça qui est génial. Nous arrivons du coup à la fin de cette émission sur le concept de maquillage naturel anti-gaspi Irisé Paris. Merci encore Maud de nous avoir raconté tout ça. Merci à toi, Lise, c'était un vrai plaisir. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez donc suivre les aventures de Maud et Irisé Paris sur le compte Instagram Irisé Paris, tout attaché. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines interviews et rendez-vous sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts. C'est beautéimaginée.com. Les podcasts comme celui-ci sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts. Est-ce que pour une prochaine interview dans Beauté Imaginée, tu penserais à quelqu'un qui ferait un bel invité? Oui, moi je pense à Véronica, la cofondatrice, que je crois qu'elle n'est pas toute seule, j'ai un doute, mais de la marque La Crème Libre, qui est une marque que j'aime beaucoup, une marque de soins, très très chouette. Plutôt naturel au niveau de la Oui, composition. plutôt naturel avec des emballages rechargeables. J'ai essayé leur huile sèche là qui est très sympa. Ouais, c'est une marque que j'aime beaucoup et Véronica est très sympa. Très bonne idée. Bonne continuation, Maud, pour Irisé Paris. Et moi, je te dis Ouais, à c'est la très semaine gentil. prochaine. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée.